Premier récit, intitulé « Sacré Marcel », point de suspension. Début 1992. Rio de Janeiro se prépare à rassembler tous les chefs d'État du monde pour tenter de sauver la planète que les hommes ont trop longtemps massacrée. L'Espagne va s'afficher sous une chaleur torride pour la grande messe sévillane et les foules vont savourer la dernière expo universelle du siècle. Roland Garros va devenir pour quelques jours le temple du tennis mondial. Là-bas, entre deux orages, Nîmes la Romaine va assurer une mémorable feria de la primavera dans ses rues chamarrées, envahies par des milliers de spectateurs enjoués. Seul, au cinquième étage, dans son étroite et inconfortable chambrette du foyer de Paris Charolais, la gorge un peu serrée et le cul entre deux chaises, Marcel vit ses dernières heures d'activité professionnelle. Son esprit vagabond l'entraîne loin, dans un temps qui, aujourd'hui, lui paraît pourtant si proche. Ses débuts au chemin de fer. Un travail peu gratifiant de manœuvre pour un salaire qui n'autorisait aucune fantaisie, dans un environnement morose. Et avec ça, l'odeur suffocante des puissantes machines à vapeur, avec leurs gigantesques roues à rayons qu'il fallait gratter sans cesse pour éliminer la graisse abondante qui dégoulinait de leur biel. Les interminables séances de balai dans les rotondes froides, et puis le curage matinal des fosses de réparation d'où l'on sortait, trempé dans le liquide nauséabond, aussi glacé que visqueux.